Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, le mouvement vert iranien en 2009. Depuis plusieurs semaines, en Iran, la colère gronde de nouveau. Dans plusieurs villes du pays, des manifestations sont réprimées. Les Iraniens manifestent contre les difficultés économiques, mais également, et une fois de plus, contre le régime des mollahs et du président Rouhani. Parmi ces manifestants, combien étaient-ils 9 ans auparavant à défiler dans tout le pays contre le scandale électoral qu'ils venaient de subir? Sans doute beaucoup. À l'issue de l'élection présidentielle du 12 juin 2009 et de la réélection frauduleuse de Mahmoud Ahmadinejad, des millions d'Iraniens manifestent. Pendant plusieurs semaines, le pouvoir à Téhéran tremble face à cette vague de contestation et, comme d'habitude, la répression s'abat sur ce peuple qui a osé contester le pouvoir. Mais concernant l'Iran, peut-être plus qu'ailleurs, il faut se prémunir de notre grille de lecture occidentale. Face à une société complexe, où les femmes sont contraintes de porter le voile mais sont plus nombreuses que les hommes à l'université, où la scène culturelle explose alors que des réalisateurs sont emprisonnés, où le suffrage universel est un principe constitutionnel mais les manifestations politiques interdites, oui, il faut pouvoir lire entre les lignes, tant le peuple iranien et son régime politique unique sont tiraillés depuis des décennies entre le désir démocratique et le carcan autoritaire. C'est de là que l'Iran tire sa richesse, mais aussi ses faiblesses. En deuxième partie d'émission, nous recevrons Fariba Adelka, anthropologue, spécialiste de l'Iran, chercheuse à Sciences Po Série. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonob, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et David Jacubovies. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mai 2009, Téhéran. Ce jour-là, le Conseil des gardiens de la Constitution, sous le contrôle du guide suprême, l'Ayatollah Khamenei, annonce officiellement les 4 candidatures retenues pour l'élection présidentielle du 12 juin prochain. Mahmoud Ahmadinejad, le président sortant, et Mohsen Rezaei pour le camp des conservateurs, Mir Hossein Mousavi et Mehdi Karoubi pour le camp réformateur. 4 hommes du Sérail de la République islamique. Terre de paradoxe, le régime des Mollahs, né après la révolution de 1979, emmené par son leader, l'Ayatollah Khomeini, repose sur une alliance de théocratie et de démocratie. Ainsi, le suffrage universel est-il un principe fondateur de toutes les élections parlementaires, présidentielles ou locales? Mais le pouvoir et la direction de la communauté sont soumis à la tutelle d'un guide suprême désigné par une assemblée de religieux. C'est la synthèse complexe du mouvement qui a renversé le Shah, mélange d'aspirations égalitaires issues de l'islam chiite et des courants de libération des années 60. La République islamique a 2 légitimités, l'une religieuse, l'autre démocratique, pour 2 souverainetés, l'une divine, l'autre populaire. La campagne électorale lancée s'ouvre en Iran une incroyable séquence politique. Le régime assouplit le contrôle du peuple et la mobilisation est impressionnante. La rue est investie par les citoyennes et citoyens iraniens. De Téhéran à Mashhad, en passant par Shiraz et Tabriz, sur les grandes places des villes, les gens se rassemblent, débattent jour et nuit. Des meetings et des débats télévisés sont organisés. Ces derniers jouent un rôle capital dans la campagne. C'est dans ce contexte que le candidat réformateur, Mir Hossein Mousavi, ancien premier ministre dans les années 80, arrivé sur la pointe des pieds après une traversée du désert de 20 ans, s'impose au fil des semaines. Il n'hésite pas à attaquer frontalement son adversaire, Ahmadinejad, sur son bilan, l'inflation, le chômage et le déclin de l'économie, sur son style aussi populiste, isolationniste, antidémocratique. Face à ces attaques, Ahmadinejad continue sur sa ligne. Avec le sens de la nuance qu'on lui connaît, il compare les méthodes de ses adversaires à celles du Troisième Reich. Monsieur Hitler, au siècle dernier, avait un conseiller politique qui s'appelait Goebbels, le spécialiste de la guerre psychologique. Sa théorie pour isoler un homme ou une nation, c'était de dire « accusez-le » avec des mensonges. Répétez-le sans cesse et vous aurez gagné. Eh bien, c'est ce qui arrive à l'Iran. En En réalité, cette stratégie volontairement outrancière est celle d'un candidat bousculé. Ahmadinejad, qui s'appuie notamment sur le soutien des classes populaires, commet plusieurs erreurs au cours de la campagne, comme lorsqu'il critique la femme de Mousavi. Cette attaque choque les Iraniens, d'autant que Zahra Rahnavard, doyenne de l'université de Téhéran, est au premier plan dans la campagne de son mari. Elle comble son déficit de charisme, mais surtout, elle soutient les droits des femmes iraniennes. Rapidement, Mir Hossein Mousavi s'installe en tête des sondages. Il réussit à emmener derrière lui la classe moyenne supérieure, les jeunes, les femmes. Autant de catégories qui n'avaient pas voté 4 ans auparavant, lassées par les soupçons de fraude. Les élections de 2005 affichaient un taux d'abstention de 40% historique pour le pays. Et la victoire d'Ahmadinejad était entachée de nombreuses irrégularités. Cette fois, le vent de liberté qui souffle sur le pays mobilise toutes les couches de la population. À l'étranger aussi, on scrute avec attention l'échéance à venir, car l'Iran tient une place essentielle au Moyen-Orient. Et surtout, ce pays est au cœur du changement stratégique de l'administration Obama. Dans la lignée du discours du Caire et de sa politique de la main tendue, le président des États-Unis tient à s'exprimer la veille des élections iraniennes. Quel que soit le vainqueur de ces élections en Iran, nous espérons que le débat vigoureux qui a eu lieu nous servira à nouer le dialogue avec eux d'une nouvelle manière. Vendredi 12 juin 2009, premier tour de la présidentielle. Partout à travers le pays, dès les premières heures de la journée, les bureaux de vote affichent complets. À certains endroits, avant même l'ouverture des lieux, des files d'attente impressionnantes se forment. On manque rapidement de bulletins de vote dans certains bureaux. Le ministère de l'Intérieur décide alors de reculer l'heure de clôture des suffrages. Mais les premières inquiétudes arrivent. Dans chaque bureau, une vingtaine de personnes surveillent le bon déroulé du scrutin. Elles dépendent toutes d'institutions partisanes d'Ahmadinejad. On retrouve aussi les Basijis, cette milice issue de la Révolution, un organe de surveillance des quartiers et des lieux de travail. À l'origine autonome, ils sont désormais encadrés et entraînés par les gardiens de la Révolution, la garde prétorienne du guide suprême. Face à ces soupçons, les différents candidats de l'opposition insistent sur la nécessité de surveiller les résultats. Et les faits leur donnent raison. L'annonce des premières estimations tourne à la cacophonie. Mousavi apprend par certaines sources qu'il est en tête. Dans la foulée, le camp Ahmadinejad s'empresse de démentir et brandit des chiffres. 63% pour le président sortant, 34% pour Mousavi. À 23h30, une demi-heure seulement après la fermeture des bureaux de vote, l'agence de presse officielle IRNA diffuse ces chiffres. À l'annonce de ces estimations, les opposants commencent à sortir dans la rue. Des attroupements se forment dans différents quartiers de Téhéran. Ils dénoncent la fraude et le mensonge, au micro notamment de Christian Chesneau pour France Inter. Tout le monde est dans la rue, et ils sont libres, alors et nous sommes sûrs que Mousavi a gagné. Et vous pouvez voir la démocratie en Iran, nous avons l'espoir que nous pouvons voir ça. Mais là on annonce une victoire d'Ahmadinejad pour l'instant. Non, c'est faux. C'est faux ? Oui, Ahmadinejad a gagné. Non. Pour l'instant, les premiers dépouillements... C'est le mensonge. Bien sûr, c'est le mensonge. Je pense qu'il y a des tricheries, 100%, je suis sûr. Je pense que c'est la défection de la démocratie. On a cassé le don du peuple de la part du gouvernement. Ne vous arrêtez pas là. Allez, passez. Pour l'opposition, c'est évident, ces chiffres ne reflètent aucunement la réalité du scrutin. Comment expliquer qu'Ahmadinejad réalise un tel score? Son bilan et la forte participation rapidement établie à 85%, chiffre historique, devaient nécessairement favoriser les candidats réformateurs, Mousavi et Karoubi. Cherchez l'erreur. Mousavi convoque alors une conférence de presse. Il conteste les résultats et dévoile une liste de fraudes. Manque de bulletins, fermeture anticipée des urnes dans certaines villes, prolongation des horaires dans d'autres. Il invite ses partisans à se rassembler pour protester de manière non violente. Les manifestants continuent de remplir les rues à Téhéran et la répression se met en marche. plusieurs milliers d'hommes armés se déploient dans la capitale, en province et dans les villes universitaires. Premiers affrontements entre les forces de l'ordre, les manifestants et premières arrestations. Dès le lendemain, à midi, les résultats officiels sont proclamés. Plébiscite pour Ahmadinejad, cette fois c'est officiel. Le président iranien a été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. Une réélection acquise dès le premier tour avec plus de 63% des voix. Son rival, le réformateur Hossein Mousavi, obtenant moins de 35% des voix. Dans le camp des religieux et des conservateurs, on jubile. Chez les réformateurs, c'est bien sûr la déception, voire même la colère. Le score s'affiche comme une insulte. Le détail des suffrages est absurde. Karoubi n'obtient même pas 1% des suffrages et Rezaï, moins de 2. Dans la région d'origine, les candidats Mousavi et Karoubi sont largement battus, ce qui politiquement est plus qu'improbable. Le souffle démocratique né pendant la campagne est balayé par le pouvoir. Ce 13 juin 2009, les Iraniens viennent de vivre un putsch électoral, si je puis dire. Dans la foulée de l'annonce officielle des résultats, l'ayatollah Khamenei, le guide suprême, se précipite pour valider l'élection d'Ahmadinejad. Il évoque, je le cite, « une véritable épopée nationale, une victoire de la démocratie islamique contre ses ennemis malveillants ». Cet empressement choque plus d'un, y compris au sein du régime d'ailleurs. Pour beaucoup, c'est une faute politique. Le guide suprême outrepasse sa fonction d'arbitre. Cette démonstration de force dévoile au grand jour la volonté du régime d'imposer la réélection d'Ahmadinejad, coûte que coûte. Car derrière cette élection présidentielle se joue une lutte de pouvoir en interne. L'Iran, c'est Florence chez les Perses. Avec son homme lige, Ahmadinejad, Khamenei veut réaffirmer son pouvoir, très critiqué depuis son accession contestée au titre de guide suprême en 89. Alors, depuis 4 ans, il renforce les pouvoirs des gardiens de la révolution et mène une politique qui vise un clan du pouvoir iranien, en particulier celui d'Hashimi Rafsanjani, président de l'Assemblée des experts, l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du pays. D'ailleurs, ce dernier n'hésite pas, dès l'annonce des résultats, à émettre des doutes. L'élection d'Ahmadinejad était donc programmée, mais ni le guide ni le président sortant n'avaient prévu la volonté de changement de l'opposition et du peuple. Et la crise éclate au grand jour. Le samedi 13 juin, 17h, les manifestants retournent dans la rue et occupent les grandes places de la capitale. Téhéran est en ébullition. Ce soir, il y a des scènes d'émeutes et des poubelles brûlées en différents endroits de la capitale. Toute la journée, des groupes de quelques centaines de manifestants se sont affrontés aux policiers. Scène particulièrement forte quand place du djihad, une jeune femme frêle s'avance vers les forces anti-émeutes, les deux poings au ciel. Elle crie sa colère, mort au dictateur. La foule, quelques mètres plus loin, reprend. Ici, dans cette république islamique, insulter le président peut vous coûter jusqu'à 2 années de prison. On ne lâchera pas, promet un jeune homme qui porte encore le t-shirt vert du candidat Mousavi. On ne se fera pas voler nos votes. Mais la conversation s'arrête là quand tout le monde se met à courir encore une fois pour fuir les coups de matraque des policiers voltigeurs. Réponse, le 14 juin, Ahmadinejad organise la fête de la victoire. Dans un discours particulièrement violent, il balaie ses opposants d'un revers de la main. Il les traite de poussière. Toute manifestation non gouvernementale est interdite. Dans la nuit du 14 au 15, les dortoirs des campus universitaires du pays sont attaqués par les Basidji. Pour mater la rébellion, autant s'attaquer à la source. 70% de la population a moins de 40 ans et le mouvement est principalement constitué par des jeunes. Au moins 13 étudiants sont tués cette nuit-là. Le lendemain, le 15 juin, est une journée décisive. Malgré les interdictions et la violente répression, malgré les menaces et les barrages, aux alentours de midi, plus de 3 millions de personnes se dirigent vers les deux grandes places de la capitale, celle de la liberté et celle de la révolution, deux notions qui décidément se regardent en chien de faïence. Sur ce point, l'Iran n'a rien inventé. La marche est pacifique, silencieuse, mais les premières banderoles sont sorties. Nous sommes les détritus. Où est mon vote ? et la couleur verte envahit les rues de la ville. Aucune organisation n'a appelé à ce rassemblement, non, aucun parti politique. Ces 3 millions d'Iraniens sont sortis dans la rue spontanément, sans mot d'ordre précis. Les autorités sont surprises, bien sûr, elles ne s'attendaient pas à un tel raz-de-marée. C'est tout simplement la plus grande manifestation de l'histoire de la République islamique. Les images de cette foule immense rappellent d'ailleurs ses précédents historiques. En ce 15 juin 2009 à Téhéran, le deuxième tour de l'élection volée s'organise. Au bout de quelques heures, une voiture s'avance difficilement dans la foule. Elle finit par s'arrêter. À son bord, un petit homme aux cheveux blancs sort et monte sur le capot. C'est Mir Hossein Moussavi. Il saisit un micro et s'adresse à la foule. Notre peuple demande à ce que sa volonté et son vote soient respectés. Moussavi sait ce qu'il risque, mais il avait promis à ses partisans de ne pas les abandonner. Reza Ikaroubi, les deux autres candidats, se joignent à l'opposition, ainsi que l'ancien président réformateur, Khatami. Le pouvoir est acculé, la démonstration de force impressionnante. Mais au moment où la foule se disperse sur la place Azadi, des coups de feu retentissent. Les tirs contre les manifestants font 10 morts et plusieurs blessés. Ce 15 juin 2009, le mouvement vert compte ses premiers martyrs, mais il a trouvé un leader. We'll be right back. L'Iran vit peut-être l'un des plus importants chapitres de son histoire. Des centaines de milliers de personnes ont à nouveau défilé hier pour contester la réélection de Mahmoud Ahmadinejad à la présidence. Les manifestants dénoncent un scrutin truqué pour le gagnant et le réformateur Mousavi, personne d'autre. Selon nos confrères de la télévision officielle iranienne, 7 personnes auraient été tuées cette nuit par les forces de l'ordre. Il y aurait des blessés également. À partir du 15 juin 2009, le mouvement vert change de nature. Tous les acteurs de la crise politique sont surpris par l'ampleur du rassemblement. Les jours suivants, la mobilisation s'accroît, elle gagne la province. Dans plusieurs villes du pays, notamment à Mashhad, Isfahan ou Shiraz, les opposants d'Ahmadinejad sortent dans la rue. En réponse, ils subissent l'assaut des voltigeurs Basidji. À moto, munis de matraques, ils fendent la foule et répriment les manifestants. Malgré la répression, le mouvement est rejoint par les femmes, les classes moyennes, certaines minorités religieuses et ethniques. Les artistes iraniens font leur grand retour sur la scène politique. Des joueurs de l'équipe nationale de foot, à des milliers de kilomètres, arborent un brassard vert au cours d'un match en soutien aux manifestants. Dans les rues iraniennes, on entend des choses tues depuis des années. Les cris « Allah Akbar » lancés la nuit depuis les toits ou des slogans comme « Mort au dictateur » sont criés en plein jour. Face aux armes du régime, les opposants brandissent la désobéissance civile. Sous pression, le guide suprême doit réagir. D'autant que le Conseil des gardiens de la Constitution se déclare prêt à recompter les bulletins de vote dans certaines régions. Ali Khamenei finit par ordonner une enquête sur les fraudes. Mais ce n'est qu'une posture. D'ailleurs, le 19 juin, après 3 jours de manifestation, il prend la parole au cours du Grand Prêche. Je le demande à chacun. Il faut arrêter. Vous n'arriverez à rien comme ça, et vous devrez en assumer toutes les conséquences. Ali Khamenei enterre définitivement la possibilité d'une nouvelle élection. Il choisit l'affrontement. Les forces spéciales des Basidji ne suffisent plus pour contrôler et impressionner les manifestants. Alors, ils sont rejoints par les gardiens de la révolution qui n'hésitent pas à tirer sur les manifestants, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Tout le monde est pris pour cible et la violence s'intensifie. Il y avait plein de police, des milices, des Basidji, des gardiens de république, gardes spéciales et des hommes que j'ai jamais vus. Ils étaient comme des ninjas. Oui, j'ai eu vraiment peur. C'était énorme. Ils étaient partout dans la rue. Après, on a essayé de rentrer encore et on a vu, voilà, maintenant des gens qui étaient attaqués. Je sais pas, les mains cassées, les visages pleins de sang. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Le pays se ferme. Les visas des journalistes ne sont pas renouvelés et les principaux médias, contrôlés par le pouvoir, diffusent de fausses informations. Mais la révolte continue sur Internet. On parle rapidement de révolution Twitter. Le réseau social américain joue pour la première fois un rôle prépondérant dans une manifestation populaire. Pas forcément en Iran, où le nombre de comptes est limité, mais à travers le monde, comme relais d'information. Les mots-clés Iran élection, Iran proteste s'imposent rapidement, en tête des références. Pour lutter contre la censure, les vidéos filmées grâce au téléphone portable documentent le conflit et illustrent la violence du régime. Malgré la limitation des connexions Internet et les interdictions de nombreux sites, les Iraniens contournent les difficultés. Le monde entier découvre alors les images brutales du mouvement vert. Le 20 juin, Neda Agasoltan, une jeune femme de 26 ans, étudiante en philosophie, participe à la manifestation. Quand tout à coup, elle reçoit une balle. Elle s'écroule sur le cou. Sa mort est filmée en direct. Ne donne pas. Les images sont terribles, les yeux de la jeune femme qui se tourne vers l'objectif avant de mourir, les cris de ses amis. Neda, qui signifie l'appel ou la voix en langue persane, devient l'icône du mouvement vert. Elle symbolise la répression sanglante d'Ali Khamenei et d'Ahmadinejad. À travers elle et des dizaines d'autres victimes, c'est toute une culture du martyr qui se réactive dans la société iranienne. En parallèle, la propagande du régime se développe sur un argument simpliste. Ces manifestations sont un complot fomenté par l'Occident pour nuire à l'Iran. Le pouvoir organise des contre-manifestations. Les arrestations d'opposants politiques, de journalistes se multiplient. Certains témoins assistent à des enterrements clandestins la nuit dans des cimetières par les forces de l'ordre. Les récits des détenus commencent à se propager. On parle des conditions inhumaines de la prison de Kahirzak. Meurtre sous la torture, viol des détenus, conditions d'incarcération épouvantables. La prison est rapidement baptisée l'Abu Ghraib iranien. Face à ces images, ces témoignages, la pression internationale s'intensifie. Barack Obama sort de sa réserve et dénonce cette répression. Nicolas Sarkozy, le président français, se montre offensif lui aussi. La situation en Iran est extrêmement préoccupante. La réaction du pouvoir est totalement disproportionnée. Le pouvoir prétend avoir gagné les élections haut la main. Si c'était vrai, on se demande bien pourquoi il faut mettre les opposants en prison. Il faut réprimer avec une telle violence et tant de victimes les manifestations. Pour des gens qui ont gagné les élections, entre guillemets, avec près de 2/3 des voix, au premier tour, on se demande bien pourquoi il faut une réaction si brutale. Dans le même temps, Ahmadinejad reçoit les félicitations de Moscou et de Pékin. La violence et la répression finit par avoir raison du mouvement. Alors, petit à petit, les manifestations se réduisent et les actions deviennent plus sporadiques. Moussavi lance un appel à la grève générale. Il cherche le soutien du bazar, le poumon économique du pays. Mais ce dernier ne suit pas. Le 29 juin, le Conseil des gardiens de la Révolution, en charge du recompte des voix, confirme la réélection d'Ahmadinejad. La cérémonie d'investiture se tient le 1er août à Téhéran. Le vainqueur réaffirme sa ligne politique. Moi, en tant que président de la République d'Iran, jure devant le Coran sacré, la nation iranienne et Dieu, d'être le gardien de la religion officielle, de la République islamique et de la Constitution. Sur le plan international, nous assurerons la paix et la sécurité. Mais comme nous voulons cela pour toute l'humanité, nous nous opposerons à l'injustice, à l'agression et à la mainmise de certains pays. Quelques semaines après l'investiture, vient le temps des procès. Parodie de justice, sorte de procès de Moscou à l'iranienne, les séances sont retransmises en direct à la télé pour impressionner la population. Les prisonniers se présentent en uniforme face au juge et récitent un texte appris par cœur sous la menace. Ils avouent être des agents au service de pays ennemis de l'Iran. Parmi les accusés, on retrouve des occidentaux comme la française Clotilde Reiss, simple lectrice à l'université, arrêtée à l'aéroport et incarcérée pour espionnage. Le signal est fort, l'Iran d'Ahmadinejad continue sa diplomatie isolationniste et n'hésite pas à répondre aux accusations des pays comme la France ou la Grande-Bretagne par une politique de prise d'otages. De son côté, le mouvement vert, étouffé par la violence du régime, renaît sporadiquement, se diffuse par d'autres biais. Dans les stades de foot, la couleur verte remplit les tribunes, on entend des chants à l'encontre du pouvoir. Dans les universités, le mouvement étudiant continue. Les fêtes religieuses, seul moment de rassemblement autorisé, sont l'occasion de nouvelles manifestations. Point d'orgue, la journée d'Ashura, célèbre fête chiite qui commémore le massacre de l'imam Hossein et de sa famille. L'Ashura symbolise la lutte contre les injustices et l'oppression. Ainsi, le 19 décembre 2009, plus de 6 mois après les événements, des rassemblements immenses s'organisent dans tout le pays. Mais la répression continue et fait plusieurs dizaines de morts parmi les manifestants. Karim Laïdji, président de la Ligue iranienne de défense des droits de l'homme, revient sur ces événements. Le mouvement se radicalise. Aujourd'hui, les gens dans la rue ne demandent plus le départ d'Ahmadinejad. Aujourd'hui, les gens dans la rue visent directement le guide suprême. Et je suis certain que, malgré cette politique de répression, je suis certain que ce mouvement aussi, non seulement va continuer, va se radicaliser davantage et peut-être vers une autre révolution. Le Ce sera pourtant la dernière grande manifestation du mouvement vert. Le 1er janvier 2010, Moussavi exprime une série de revendications et entend continuer le combat à la tête d'une formation politique. Il sera bientôt placé sous résidence surveillée. C'est en coulisses que les véritables conséquences de cette séquence politique se font sentir en Iran. Des dissensions fortes apparaissent au sein du clergé ou dans les forces paramilitaires. Le mouvement vert n'a pas réussi à renverser l'ordre établi. Ce fut une révolte sans révolution, un soulèvement sans victoire, mais peut-être, sûrement même, a-t-il inspiré les printemps arabes de 2011. Quatre ans après la révolution verte, la victoire du réformateur Hassan Rouhani en 2013 atténue l'amertume qu'on pouvait lire sur les affiches pendant les manifestations et qui dit toute la force, la vigueur, les aspirations de la société iranienne à travers ces mots d'une intensité dont je vous laisse apprécier la dimension. En votant, nous avons écrit amour, ils ont lu dictature. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le mouvement populaire de 2009 en Iran, le soulèvement. Notre invitée Fariba Adelka, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, spécialiste de l'Iran, iranienne vous-même, chercheuse à Sciences Po Série. On va d'emblée, ensemble, écouter une archive qui nous renvoie dans une période très récente, les nouveaux mouvements de protestation en Iran. Écoutez. Point levé, la dictature islamique iranienne défend coûte que coûte son régime. Comme chaque année, elle célèbre sa victoire sur le mouvement de protestation démocratique de 2009. À l'époque, les manifestations contre la réélection de l'ancien président Ahmadinejad avaient été réprimées dans le sang et les leaders emprisonnés. Pourtant, dans toutes les villes du pays, les mollahs ont voulu donner encore plus d'importance à ces manifestations, car pour la première fois depuis 8 ans, la révolte gronde. Ces images incroyables de jeunes attaquant les forces de l'ordre sont un véritable signal d'alarme pour le pouvoir. Si les participants n'étaient pas très nombreux, le mouvement de 2 jours s'est déroulé dans plusieurs villes du pays. Au cri de mort au dictateur ou libérer les prisonniers politiques, les révoltés étaient surtout descendus dans les rues pour protester contre le chômage et l'inflation. En Iran, un tiers des 80 millions d'habitants vit en dessous du seuil de pauvreté. Pourtant, les Iraniens avaient cru en cet homme, Hassan Rouhani, le président réélu en mai dernier. Avec l'accord sur le nucléaire en 2015 et la levée des sanctions, l'avenir s'annonçait radieux. Mais voilà, Donald Trump est arrivé, a remis l'accord en question. L'Iran est redevenu un grand Satan. Résultat, le pays attendait 50 milliards de dollars d'investissement. Seulement 2 sont arrivés. La crise sociale et politique est de plus en plus forte. La preuve, même à Téhéran, les opposants ont bravé la police. La mobilisation exceptionnelle de tout l'appareil d'État iranien et de ses fidèles dans les rues montre que le pouvoir est prêt, comme en 2009, à réprimer dans le sang toute nouvelle révolte. Fariba Adelka, comment analyser déjà cette nouvelle poussée de fièvre en Iran ? Les revendications étaient claires tout au long des manifestations. En fait, c'est la demande d'ordre économique. Bien sûr, ça s'est commencé de façon assez particulière. C'était dans la région de Mashhad, où ça s'est passé. Enfin, dans la ville de Mashhad, dans la région de Khorasan, qui est une région quand même assez sous le coup, qui vit depuis le début de la révolution, je dirais, parce que c'était la frontière ouverte, des vagues d'immigration importantes. Ensuite, la réhabilitation urbaine qui a fait une autre vague d'immigration, cette fois-ci intérieure, des gens des milieux ruraux qui sont venus dans les villes. Donc, il y a un mélange de populations. Enfin, la salade est très mixte. Ça fait qu'au final, il y a des tensions aussi de ce côté. Puis l'appauvrissement des gens, mais je crois que la demande était très claire tout au long de ces manifestations, c'était la demande économique. Mais ce qui est peut-être important à signaler, et de façon concomitante, c'est que très rapidement, le gouvernement a pris la juste mesure aussi de cette demande et il a fait une séparation, c'est parce que vous aviez diffusé l'émission donc, de 2009, il a fait cette fois-ci la séparation entre les demandes d'ordre politique et les demandes économiques des gens. Donc d'une certaine façon, c'est légitime de venir et de réclamer ses droits dans la société, de manifester. Pour le pouvoir, c'est plus légitime de manifester pour des demandes économiques que politique. Là, c'est beaucoup plus compliqué pour le pouvoir quand c'est politique. Oui, mais tout à fait. Mais je veux dire, en même temps, toute forme de mobilisation jusqu'à maintenant était toujours stigmatisée par le fait que la rue voulait un peu la fin d'un régime ou alors c'était une proposition d'une alternative quelconque. Alors que cette fois-ci, très rapidement, et M. Rouhani et le guide de la révolution ont donné raison à la rue, tout en bien sûr mettant en garde des gens contre l'infiltration. Ça, ils resteront pareils, fidèles à même, mais en même temps, il y a un petit changement, je crois, qu'il faudrait apprécier. C'est le changement entre 2018, bien sûr, et ce qui s'est passé en 2009. Est-ce que ça veut dire aussi que la population iranienne s'est dite, de toute façon, ce régime, on le fera pas tomber, on baisse les bras, quelque part, dans les revendications politiques, et on y va sur l'économie. En fait, la population iranienne n'aurait pas le choix. Le régime, il a une certaine légitimité, ça fait 4 décennies d'une certaine façon, avec tous les... On connaît un peu la traversée, enfin, les tumultes que le régime révolutionnaire a vécu, enfin la République islamique d'Iran, 8 années de guerre, des années de sanctions qui n'ont jamais fini. Finalement, on voit bien que c'est la difficulté. Et ça commence avec Trump. Tout à fait. On voit bien que c'est difficile de les éliminer. Donc, il faut dire qu'en même temps, ils peuvent mobiliser lors des élections jusqu'à 60-70% de mobilisation. Donc, il a une certaine... Ce régime... Oni est à paria, tout ce que vous voulez, stigmatisé un peu trop souvent. Il a, dans ce paradoxe que vous mettiez tout à l'heure en avant, il a aussi une certaine légitimité. Il faut dire que ça fait 4 décennies. Je crois que c'est, en termes de révolution, c'est court, c'est frais encore, c'est vivant. Mais en termes de régime, c'est une longévité qu'on peut apprécier, dire que bon, il y a une certaine. Mais qu'il soit légitime, ça, personne ne le conteste. J'ai dit une certaine. Oui, une certaine. Il est, voilà, c'est un pays souverain, indépendant. Il a son régime. On n'a pas à en juger, dire légitime ou pas légitime. Moi, la question que je me posais, c'était bien celle-là. Est-ce que vous pensez que la population iranienne a baissé les bras dans son espoir de renverser un régime et que finalement, ce régime-là, il n'est pas menacé, quoi? Donc, le régime iranien n'a pas d'alternative politique, pas seulement à l'intérieur, puisqu'on peut penser à la répression, mais aussi hors ses propres frontières. Ça veut dire que les courants d'opposition se limitent, si on peut dire, aux royalistes, qui sont effectivement qui représentent aujourd'hui un petit courant, un peu inexistant, et puis les mujahidines du peuple, qui est plutôt une sorte de caste, et que certains pays voisins aimeraient bien les mobiliser de temps en temps pour effectivement poser de problèmes, embêter le régime iranien. Mais d'une certaine façon, aucun des deux n'a une représentativité aujourd'hui, même relative, mais on pourrait penser que c'est ces deux courants qui pourraient un peu coordonner les mouvements d'opposition, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, le mouvement d'opposition, si pour résumer, on peut dire qu'il est au pouvoir. D'une certaine façon, Khatami faisait partie du mouvement d'opposition. Moussavi, quand il s'est présenté candidat, était ce mouvement d'opposition. Et puis, bien sûr, Rouhani. D'une certaine façon, peut-être ce qui est la force du gouvernement iranien, ce n'est pas seulement dans son action positive, mais dans l'absence de mouvement d'opposition à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran. Vous voulez dire que l'Iran a mis en place un régime à l'intérieur duquel il y a un contre-pouvoir. Il y a les mollahs d'un côté, les civils de l'autre, les progressistes, peut-être une guerre de succession parce que Ali Khamenei, le guide suprême, est malade. Bon, on a l'impression que c'est toujours cette mécanique-là, la mécanique du gouvernement, avec le contre-pouvoir à l'intérieur, c'est ce que vous voulez me dire? Oui, j'aimerais ajouter à cela que l'islam a largement contribué à cette forme de pluralisme à l'intérieur. Pourquoi? Contre-pouvoir, donc, parce que les clergés ne sont pas d'accord entre eux, parce que les autorités suprêmes religieuses étaient en désaccord avec l'imam Khomeini dès le début de la révolution, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est aussi un pluralisme que de faire partie de telle ou telle école religieuse et donc d'avancer des propos. Rome, ça peut être à quelques moments vraiment résistant face au pouvoir. Donc, sur les 4 décennies, on peut penser que l'islam a aussi contribué à un certain émiettement, à un certain pluralisme dans le milieu politique, dans la sphère politique. Mais qui gouverne vraiment l'Iran? Sont les mollahs ou c'est le gouvernement et les civils et le président? On a du mal à comprendre. Qui prend vraiment les décisions? Des décisions revient à un ensemble d'institutions. Moi, j'ai envie de dire, excusez-moi bon, comme paradoxe, donc, j'ai envie de dire que l'Iran est un vrai république. Ce qui ne veut pas dire que c'est une démocratie. Pour être une république, on a besoin un peu plus pour être une démocratie. Oui, donc je corrige tout de suite. Qui ne sont pas du tout des démocraties, qui sont même des pouvoirs totalitaires. Merci pour compléter le mot. Donc en fait, c'est une vraie république, ça veut dire vous avez le pouvoir des institutions, donc vous avez l'Assemblée des experts, vous avez le Parlement, bien sûr, qui a le pouvoir d'intervenir pour faire barrage au projet de réforme et de Parlement et de président de la République, si vous voulez. Donc, vous avez l'Assemblée des experts, le Conseil de surveillance de la Constitution, le Conseil de discernement, qui chapeaute, toutes ces institutions sont chapeautées par le guide suprême de la Révolution. Et c'est un pouvoir beaucoup plus, je dirais, collégial, mais pas du tout... c'est un pouvoir autoritaire, mais ce n'est pas une dictature qui s'exercerait par une seule personne. L'erreur serait d'attribuer au guide de la Révolution la décision qui sont prises dans la République islamique de façon unilatérale, si vous voulez. Mais est-ce que le fait qu'il soit collégial le rend moins autoritaire? On a connu des pouvoirs collégiaux autoritaires. Des juntes, par exemple, ça n'a rien à voir, mais des juntes, c'était un pouvoir collégial. Il y en avait plusieurs, mais enfin, c'était complètement autoritaire. Est-ce que le fait d'être collégial rend moins autoritaire? rendre autoritaire, c'est pas la question de plus ou de moins, mais la question, c'est le jeu entre le pouvoir et la société. Donc, puisqu'on a parlé que l'opposition est au pouvoir, c'est en fait cette collégialité qui a permis à un moment donné à Mohamed Khatami d'être président de la République avec 20 millions de voix. Je crois qu'on peut pas du tout tracer une ligne en disant les conservateurs d'un côté, les réformateurs de l'autre. Ça veut dire, d'une certaine façon, il a pu séduire, y compris dans l'arcan de pouvoir, des institutions, des gens. 20 millions, ça fait pas seulement une faction. Ça fait, je veux dire, ça mélange de populations qui ont voté, de courants qui ont voté pour M. Mohamed Khatami. Donc, collégialité, c'est cette surprise, c'est côté imprévu de ce pouvoir, qui est à un moment capable de faire rentrer dans les sérails de pouvoir quelqu'un comme Khatami, à un autre moment, quelqu'un comme Ahmadinejad, et puis ensuite, quelqu'un comme Rouhani, etc. Donc, d'une certaine façon, c'est cette flexibilité de cette structure qui donne, à un moment donné, cette possibilité à cette société de poser, d'imposer, d'intervenir et de poser de son poids. Alors, comprenez dans ces conditions que parfois on fasse un peu des raccourcis vu côté occidental, mais je l'ai dit au début, l'Iran est un pays complexe, pas compliqué, parce qu'après tout, pourquoi il serait compliqué, nous, simple. Il est complexe, ce qui le rend aussi intéressant, mais on peut comprendre un peu les raccourcis qu'on peut faire, parce que c'est très subtil tout ça, hein. C'est très subtil, cette société iranienne où on rappelait la condition des femmes, et puis en même temps, il y a plus de femmes à l'université de Téhéran et dans les villes que d'hommes. Tout est paradoxe. Expliquez-moi pourquoi tout est paradoxe chez vous, comme ça. Paradoxe parce qu'en fait, c'est un régime qui n'est pas sorti non plus de sa révolution. Donc, c'est d'une certaine façon 4 décennies de régime révolutionnaire. C'est toujours un processus. Depuis 1979, vous êtes encore en processus. Les gens qui ont fait la révolution sont encore au pouvoir. Ayatollah Khamenei, Rouhani, Khatami, Mousavi, c'est en résidence surveillée. Mais je veux dire que tous les gens qui sont venus avec l'imam Khomeini sont encore au pouvoir. Et d'une certaine façon, toutes les tensions que traverse cette société, ça revient... La question même de la révolution revient sur table. Est-ce que c'est pour ça qu'on a fait la révolution? Donc, en fait, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est un débat, ça devient paradoxal parce que c'est un débat qui n'est pas seulement un débat de société, c'est un débat qui est partagé au sein même du régime. Par exemple, vous avez soulevé la question du voile. C'est sous Ahmadinejad, on a publié un numéro de revue s'appelant Khatoun en utilisant un nom en terminologie très persane finalement, qui était très intéressant, mais où on débattait de tout, sa forme, sa couleur, est-ce que ça peut être une obligation finalement pour tout le monde? C'était bien les clergés qui avaient pris la parole pour dire est-ce que finalement le prophète entendait généraliser le voile ou non, à l'ensemble de la société ou c'était considéré pour sa propre famille. Aujourd'hui, on voit exactement une revue comme la Sahel qui est publiée à Rome, donc on peut dire chez le fief du conservatisme en Iran, et donc qui remet sur table la politique menée depuis le début de la révolution concernant la question du voile et puis finalement son échec. Tous ces débats font que finalement on est à la fois dans quelque chose et hors quelque chose. Et c'est être hors qui crée ce défi finalement, ces débats, ce défi. Alors quel est le rapport des Iraniens à la modernité? Est-ce que c'est épouser un peu du mode de vie occidental, beaucoup de votre mode de vie et puis de la civilisation dont est issu l'Iran, une grande civilisation. Après tout, ça compte aussi, hein, c'est un legs. C'est quoi le rapport à la modernité des Iraniens? C'est quoi la modernité pour eux? Je dirais dans un premier temps, la modernité, c'est consommation, c'est l'accès à à ce qui est dans les produits de consommation. La modernité, c'est la concomitance de ce à quoi on peut avoir droit. Ça veut dire accès à leurs produits culturels. Modernité, c'est aussi une façon de penser. Les islamistes ont aussi des courants modernes à l'intérieur qui sont nommés Degarandi, ça veut dire autres penseurs islamiques en fait. Donc, autre façon de penser. Modernité, c'est une approche à la fois. Approche de penser le pouvoir, de penser l'islam, de penser la tradition, de penser l'iranité, etc. Donc, en fait, ce sont des débats de la société sur tous ces thèmes qui fait qu'à un moment donné, la tension, elle est plus grande, parce que bon, cette société, elle a aussi l'impression qu'elle rame trop et qu'elle a toujours besoin de se prouver, qu'elle n'arrive pas au bout de ses objectifs, voire de ses rêves. Exactement. L'accès au nucléaire, c'est aussi pour vous l'accès à la modernité? L'accès au nucléaire, c'est lié à une histoire. L'histoire d'une révolution qui a été très vite, je crois, bloqué par une guerre qu'on a imposée et qu'on a soutenue en Occident. Quoi, Iran-Irak? Exactement, pendant 8 ans. Et je crois que les Iraniens, le gouvernement, d'une part, le gouvernement pense que finalement, il a toujours cette peur que, d'une coalition qui serait à son détriment. Donc, il a envie de se défendre. Pour les Iraniens, c'est la technologie de demain. Ça existe. Ah, parce que là, vous me parlez du nucléaire militaire. Moi, je vous parlais du nucléaire civil. Pourquoi vous me répondez nucléaire? Pourquoi vous me répondez militaire? Pourquoi pas civil d'abord? J'ai commencé par le gouvernement qui veut se défendre. Hein. Ensuite, la nucléaire, c'est aussi la technologie du demain, de laquelle les Iraniens n'aimeraient pas être exemple, si vous voulez. Mmh. Le débat dans la société iranienne est quelquefois un peu étrange. Par exemple, il peut être contre l'intervention de l'Iran dans la région au profit de tel ou tel État. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont contre intervention politique. Ils sont contre le fait que l'Iran dépense ses ressources en faveur des voisins et non pas dépenser pour la maison, si vous voulez. C'est des façons aussi différentes de poser la question, si vous voulez. Alors, l'Iran d'hier et d'aujourd'hui, vous voyez qu'on s'est plus intéressé à l'Iran d'aujourd'hui. On va quand même aller un petit peu dans hier, si vous voulez bien. Quelques minutes, 2009. Est-ce que vous attendiez un tel mouvement? Est-ce que vous avez été surprise? Oui, je crois que tout le monde a été surpris, moi en premier, bien sûr. Vous étiez où, en Iran encore ou déjà en France? Vous étiez où à l'époque, en 2009? J'étais en France. En France, d'accord. J'étais en Iran. Vous étiez en Iran, voilà. Une partie en Iran, mais c'est toujours en va et vient. Bon, la question reste la même, est-ce que vous avez été surprise? Je crois que tout le monde a été surpris du résultat. Mais en attendant, il y a trois façons de voir, trois scénarios possibles. Et qu'on n'est pas d'accord entre Iraniens, et donc on est souvent, on vit souvent un peu sous pression. La pression ne vient pas seulement du pouvoir, la pression vient aussi du milieu duquel vous appartenez. Donc, premier scénario, c'était que ce qui était annoncé publiquement, ça veut dire que M. Ahmadinejad était gagnant. Il y avait un deuxième scénario qui disait qu'en fait, on avait pris le vote de M. Moussavi pour donner à M. Ahmadinejad. Donc, c'était M. Khatami qui était gagnant. Donc, ils se sont déclarés à peu près à 9h, 10h du soir. Mmh. Tous les deux courants ont déclaré être gagnants. Et donc, effectivement, la grande tension. Mais il y a un troisième scénario pour lequel je me pencherai. C'est une opinion politique, parce qu'on peut spéculer longtemps. Là, je ne suis pas dans l'analyse. Hein. Non, mais vous pouvez être aussi dans l'opinion. Vous êtes iranien, hein, vous êtes concerné. D'origine, donc d'origine. Je suis aussi française. Et donc, franco-iranienne, quoi. Ah, exactement. Bien. Et le troisième scénario, en fait, c'est que le gouvernement, ce qu'on appelle l'État profond, enfin le système en Iran, n'avait pas le courage d'affronter un deuxième tour et n'avait pas non plus le courage d'affronter toute cette mobilisation à laquelle on a eu droit tout au long de la campagne de Mouvement Vert, en fait, et qui finalement s'est assise dans les rues, cette mobilisation des gens, cette génération des, on appelle soixantenaires, mais finalement c'est 80, les 1980. Donc le gouvernement n'ayant pas le courage d'affronter cette massive mobilisation, surtout qu'il devait attendre aussi au lendemain de l'élection de M. Moussavi. Donc, il fallait aussi affronter cette mobilisation au lendemain de sa victoire. Et donc, le gouvernement a décidé à un moment donné de faire table rase, de faire fi des urnes et donc de voter. Mais c'est une carte électorale, elle est magnifique parce que toutes les régions se sont exprimées avec leur tendance électorale. Seulement les proportions avaient changé. Voilà. Ouais. Ce n'est pas par bourrage des urnes. Mais c'est une forme de coup d'État, mais qui était décidée avec une sorte de consensus aussi à l'intérieur du système. En fait, l'animosité du gouvernement, ou peut-être le conflit, il est d'autant plus rude et fort et violent que finalement les gens qui ont sorti de consensus qui n'ont pas été pardonnés. Hashemi Rafsanjani n'a pas été d'accord. On a bien vu Rezaei, qui était l'ancien ministre des gardiens, qui n'était pas d'accord. Oui. Simplement, Oref, qui a été déclaré président de la République. On est vraiment quand même dans le détail de votre vie politique. J'ai peur qu'on s'y perde un peu. Pardon. Non, alors je reprends. C'est qu'il y avait c'était pas le bourrage des urnes. D'accord. Ce qui était vrai, c'est qu'il y avait un vote qui était décidé dans des bureaux fermés. Et qui n'a pas été respecté. C'est ça, en fait. Non, allez-y. Non. Le premier, oui. C'était Ahmadinejad élu. D'accord. On peut avoir ce scénario, penser qu'il a été élu vraiment. Deuxième, on peut penser que tout le vote de M. Moussavi est allé vers Ahmadinejad. Donc voilà, il allait être élu. Mais le troisième, c'est qu'on ne sait pas qui aurait pu être élu. on ne le saura pas, c'est qu'il y avait un autre vote décidé dans des bureaux fermés, mais qui est très vrai quand on regarde la cartologie électorale, qui est très vrai, qui colle trop à la réalité politique de l'Iran. Toute dernière chose, pardonnez-moi de vous bousculer, il reste 30 secondes. Est-ce que vous pensez que le soulèvement de 2009 en Iran a inspiré les printemps arabes? Et je précise que l'Iran n'est pas un pays arabe. Enfin bon, est-ce que ça a pu donner le courage aux pays arabes, qui sont quand même voisins, de se soulever? Vous voyez, les mouvements, on ne peut jamais prédire comment ça éclate d'une certaine façon. Mais on a souvent dit que pour la révolution de 1979, qui a justement mobilisé d'autres sociétés, c'est par mimétisme, par la proximité. Donc la réponse est oui. La réponse est, ça pose. Pardon, je vous bouscule, mais c'est vraiment la fin. En tout cas, merci infiniment, Fariba Adelka, pour les lumières que vous nous avez apportées. Merci, au revoir. Affaires sensibles aujourd'hui, le soulèvement en Iran en 2009, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter. Rendez-vous également à la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique. Aujourd'hui, demain, nous vous raconterons l'étonnante histoire de Donald Crowheart. Si vous ne savez pas qui est Donald Crowheart, je ne vous le dis pas. Je vous donne rendez-vous demain à 15h.